de toutes les musiques, ils restent seuls assassines, rythmant les troupes en marche, exhortant de leur hymne la sourde violence et la terreur. De tous les champs, il en est de gothique, exaltant les masses, sermonnant par la trique, la ville, l'obéissance et la raideur. D'une voix unique.